Chérie, s'il nous arrivait quelque chose, comment on ferait pour payer les charges? Les études des enfants? On pourrait protéger notre famille pour moins de 6 euros par mois. Non mais je te parle sérieusement là. Moi aussi. Avec Sécur Famille 2, sécurisez financièrement l'avenir de vos proches en prévoyant le versement d'un capital garanti. Caisse d'épargne, vous être utile. Contrat d'assurance d'essai de BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances. Distribué par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance, immatriculée à l'ORIAS. Cotisation pour un assuré de 35 ans et 30 000 euros de capital garanti en formule optimale. Voir conditions en agence. Moi je me suis ennuyé toute ma vie. C'est le nid en quotidien. Mais moi, j'ai vécu le phénomène de l'ennui, vraiment, peut-être d'une façon pathologique. Je me suis ennuyé, mais je voulais aussi m'ennuyer. Et vous, que faites-vous quand vous vous ennuyez? Vous regardez l'aiguille défiler sur le cadran de l'horloge? Vous méditez sur cette vie qui passe si vite et ce temps qui, aujourd'hui, avance si lentement? Ou vous vous demandez quand, demain, enfin, pointera le bout de son nez? Le temps, qu'il passe ou qu'il ne passe pas, est toujours un problème. Le philosophe Émile Sioran en a fait son miel et il n'est pas le seul. As-tu autre chose à me dire? Non. Réfléchis bien. Alors, je vais te laisser. Tu ne veux pas ton biscuit? Je te le garde. Je croyais que tu allais me laisser. Je vais te laisser. Tu peux me gratter d'abord? Non. Où? Dans le dos. Non. Frotte-toi contre le rebord. C'est plus bas, dans le creux. Quel creux? Le creux. Tu ne peux pas. Hier, tu m'as gratté, là. Ah, hier. Tu ne peux pas. Tu ne veux pas que je te gratte, toi. Tu pleures encore? Non, j'essayais. Et oui, quand il s'ennuie, les personnages de Nell et de Nag, dans Fin de partie, la pièce de Beckett, qui vivent dans des poubelles, se grattent le dos, ce qui est une manière de faire passer le temps. Bonjour Nicolas Cavaillès. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je ne vais pas vous demander si vous vous grattez le dos quand vous vous ennuyez, mais en revanche, êtes-vous d'accord pour dire que le temps qui passe dans les pièces de Beckett, et surtout dans Fin de partie, rappelle en beaucoup de points celui décrit par Sioran dans ses ouvrages? Oui, tout à fait. Oui, c'est assez frappant. Bon, on peut rappeler que Sioran et Beckett étaient amis, ce qui n'est pas insensé, ce qui n'est pas anodin aussi de la part de deux écrivains qui étaient deux grands solitaires en marge de leur société, de leur temps, mais avec une vision, une conception du monde, et une vision du monde et une sensibilité très proche dans le fond. Même si leurs œuvres sont dans des directions formelles, disons, très différentes, puisque Sioran, évidemment, n'a jamais écrit de théâtre, ni rien de purement littéraire, disons, de romanesque ou de narratif. Beckett étant, lui, au contraire, exclusivement auteur de théâtre, à partir des années 40 et des textes que vous citez, de Fin de partie. Mais effectivement, on retrouve ce temps a deux visages, mais dont les deux visages sont sombres, effectivement, ce temps qui est figé d'un certain côté et qui en même temps évolue toujours vers le pire, comme on peut penser aussi aux deux actes d'En attendant Godot, où les deux décors sont quasiment les mêmes, et apparemment le deuxième acte n'est qu'une reprise du premier, à l'exception que l'arbre, l'un des rares éléments du décor sur la scène, l'arbre autour duquel les personnages vont et viennent ou s'ennuient, a perdu quelques feuilles. Mais c'est la seule différence, et sinon tout continue à l'identique. Donc on a à la fois effectivement ce temps qui passe, et le temps qui ne passe pas, dans le fond. Cet ennui fondamental que Beckett et Sioran ont partagé. Mais vous diriez que Sioran est un penseur de l'absurde? Oui. Il a assez peu utilisé le terme dans le fond, notamment pour se démarquer, je pense, de Camus et d'une certaine mode, disons, notamment là encore si on se situe dans les années 40-50, mais dans le fond, il y a une même vision de l'existence qui n'a pas de sens et qui évolue vers le pire. Oui. Et Beckett et Sioran ont également en commun d'écrire dans une autre langue que leur langue maternelle. Et ce fait pour Sioran est déterminant. Oui, tout à fait. C'est encore Sioran. Un tiers de son œuvre écrit en roumain. Il vient au français assez tard, vers 35 ans, 35-40 ans, à la faveur d'un premier séjour en France qui va durer jusqu'à sa mort, quasiment. Enfin, quasiment. Il va revenir plusieurs fois, quelques fois, en Roumanie entre 35 et 40 ans. Et ensuite, il va rester à Paris, en France, vivre à Paris jusqu'à la fin. Donc effectivement, il partageait ce destin d'exilé, de métèque dans la ville lumière, et là encore, qui les marginalisait quand même, qui leur donnait peut-être une fraîcheur aussi, une énergie que n'ont toujours pas peut-être les riverains. Oui. Monsieur Rand lui-même était apatride ? Oui, tout à fait. Il a perdu la citoyenneté roumaine au moment de l'instauration du communisme en Roumanie, donc en 1947, et il n'a pas fait la demande de la citoyenneté française, et à l'époque c'était encore possible. Donc il avait ce qu'on appelait un passeport Nansen, et il avait le statut officiel d'apatride, qui n'existe plus aujourd'hui, mais lui était officiellement apatride et intimement apatride aussi. Et il dira toute sa vie d'ailleurs que cette condition-là, y compris celle de l'exil qu'il vit quand il est très jeune, lors du premier déménagement, il le vit comme un déchirement. Il dit que cet exil-là est vraiment quelque chose qui le conduit justement à recourir à l'écriture pour essayer de nommer cet exil qu'il considère comme étant métaphysique quasiment. Et tout à fait. Je pense qu'on en reparlera au cours de cette émission, mais il y a un exil métaphysique en fait. C'est le reflet, sa situation sociale et dans l'histoire reflète ou incarne vraiment cet exil métaphysique qui est le sien depuis sa première expérience du temps, à vrai dire. Racontez-nous. Et cette révélation du passage du temps qui nous raconte lui-même dans des entretiens qu'il a donné, c'est pas dans ses livres vraiment, mais il a confié cela, c'est quand il avait 5 ans en l'occurrence. Si on est né en 1911, à 5 ans, il était pendant la Première Guerre mondiale, pardon. Il a été, ses parents l'ont mis chez ses grands-parents, en l'occurrence, pour le protéger pendant les combats, donc en 1916. La Roumanie étant entrée assez tard dans la guerre, sachant que Sioran, lui, était originaire de Transylvanie, qui à l'époque appartenait à l'Empire austro-hongrois. Donc là encore, ses parents ont voulu passer la frontière pour le protéger dans le royaume de Roumanie, qui était allié aux Français. Bref, été 1916, Sioran, 5 ans, est chez ses grands-parents, dans une vieille maison de campagne qui disposait d'une de ces horribles horloges dont vous évoquiez le tic-tac tout à l'heure. Et ça a été, il en parle comme un traumatisme, une fêlure et en même temps une révélation aussi, mais c'est celle du temps qui passe, voilà. Le tic-tac qui va incarner ce passage du temps et son côté inéluctable. Et son côté funèbre, macabre, le fait que chaque instant disparaît à tout jamais pour ne jamais revenir. Oui. Il écrit « Comme certains se souviennent d'une façon précise de la date de leur première crise d'asthme, moi je pourrais indiquer le moment de mon premier accès d'ennui à 5 ans. Mais à quoi bon ? Je me suis toujours énormément ennuyée. Il me souvient de certains après-midi où, à Sibiu, quand j'étais seule à la maison, je me jetais par terre sous le coup d'un vide intolérable. » Non seulement il peut dater cette crise-là, qu'il compare à une crise d'asthme, mais finalement, il fait de cette crise un état consubstantiel à son caractère, au fond. Cet ennui-là est sa manière d'être au monde, Nicolas Cavaillès. Oui, c'est assez étonnant, hein, quand même, un ennui précoce et qui va l'accompagner toute sa vie, hein, qui va toujours le placer en marge du monde, hein. On peut parler d'exil métaphysique là encore, mais ouais, avec cette révélation du temps et dans le fond de cette phrase qui est, je crois, la première phrase d'En attendant Godot, si on y revient, ouais. Qui est rien à faire, il n'y a vraiment rien à faire, chaque instant part pour toujours, et voilà, quelles que soient les deux manières d'appréhender le temps, dans les deux cas, on est dans l'inéluctable et dans ce qu'on pourra appeler plus tard l'ère du trop tard, c'est-à-dire que tout est toujours trop tard dans le fond. On se suicide toujours trop tard d'ailleurs aussi. Et voilà, tout est depuis qu'on est né, tout est perdu. Oui. Alors vous êtes éditeur des œuvres d'Émile Sioran à la Pléiade, Nicolas Cavaillès. Vous avez traduit du roumain des ouvrages de Sioran, Divagation ainsi que Fenêtre sur le rien. Tous les titres des livres de Sioran sont des poèmes en eux-mêmes. Vous êtes également auteur, hein. Je rappelle que vous avez reçu le prix Goncourt de la Nouvelle pour votre ouvrage Vie de Monsieur Legat. Dans quelle mesure est-ce que passer autant de temps avec Sioran, avec les textes de Sioran, a quelque chose pour vous de nourricier ou bien de... Bah, presque de déprimant, au fond, tellement on parle, et voyez, est-ce que la façon qu'on a de parler de l'ennui, du suicide, de la mort, est-ce que c'est, on s'imagine que passer autant de temps avec ces textes, avec cet auteur, a quelque chose de, qui sape complètement tout goût pour la vie, mais peut-être on se trompe. Les deux sont vrais, j'ai fait les deux expériences, effectivement, ça fait quelques décennies maintenant, déjà, que je lis Sioran, et bon, j'ai d'autres, d'autres intérêts. Je trouve toujours beaucoup de choses dans son œuvre, effectivement. Je ne sais pas vraiment si ça nourrit mon écriture. Mmh. Et de ce côté-là, ce serait peut-être plutôt décourageant, parce que Sioran a des textes très impitoyables concernant la littérature, notamment la littérature française contemporaine, qui était la sienne. Et voilà, sur la vanité de l'écriture, la littérature est appelée à périr, évidemment, comme tout le reste, et il faut s'en réjouir, nous dit Sioran. Ouais. Donc effectivement, ça ne pousse pas forcément à prendre un stylo et à essayer d'écrire, mais cela dit, non, je plaisante un peu, mais je l'ai tellement fréquenté qu'effectivement, il est toujours un peu derrière mon épaule quand j'écris aussi. Et de toute façon, même le travail, vous parliez du travail pour la Pléiade, là encore, hein, c'est sûr que plonger dans ces textes-là et passer ses journées et ses nuits, il y a quelque chose d'assez éprouvant sur le plan personnel, hein, il faut pas le cacher. Il y a des textes vraiment qui ont été d'ailleurs critiqués en leur temps pour être trop dangereux. Des gens disaient, il faut pas que des jeunes puissent lire ça, ça va trop loin, c'est trop sombre, c'est trop désespérant. Et en même temps, quand on s'y plonge aussi, on y trouve voilà une formidable énergie. Mais c'est vrai, ça c'est un paradoxe qui est dingue, je trouve. Il y a presque une approche libératrice. Quand on lit Sioran, en fait, il ose mettre des mots sur ce qui d'habitude nous effraie, mais qu'on ne nomme pas, si bien qu'on peut ressentir un soulagement, voire une forme d'euphorie à lire ces phrases-là. Tout à fait, il y a un côté libérateur, un côté thérapeutique, hein. Lui il employait ce mot-là pour parler de l'écriture, c'est-à-dire qu'il écrivait vraiment sous une pression, sous la nécessité de résoudre ou d'atténuer un peu ses tourments, ses obsessions qui étaient récurrentes à vrai dire, et qui l'ont poursuivi toute sa vie. Mais cette dimension thérapeutique-là fonctionne aussi, c'est ce qui est aussi prodigieux dans son œuvre, fonctionne aussi pour les lecteurs en effet. Oui. Tout concourt, les éléments et les actes, à te blesser, te cuirasser de dédain, t'isoler en une forteresse d'écœurement, rêver à des indifférences surhumaines. Les échos du temps te persécuteraient dans tes dernières absences. Quand rien ne peut t'empêcher de saigner, les idées mêmes se teintent de rouge ou empiètent comme des tumeurs les unes sur les autres. Il n'y a dans les pharmacies aucun spécifique contre l'existence, rien que de petits remèdes pour les fanfarons. Mais où est l'antidote du désespoir clair, infiniment articulé, fier et sûr? Tous les êtres sont malheureux, mais combien le savent? La conscience du malheur est une maladie trop grave pour figurer dans une arithmétique des agonies ou dans les registres de l'incurable. Elle rabaisse le prestige de l'enfer et convertit les abattoirs des temps en idylles. Quel péché as-tu commis pour naître? Quel crime pour exister? Ta douleur comme ton destin est sans motif. Souffrir véritablement, c'est accepter l'invasion des maux sans l'excuse de la causalité, comme une faveur de la nature démente, comme un miracle négatif. Dans la phrase du temps, les hommes s'insèrent comme des virgules, tandis que, pour l'arrêter, tu t'es immobilisé en point. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On passe la semaine en compagnie du philosophe roumain Émile Sioran, aujourd'hui en compagnie de Nicolas Cavaillès, qui est l'éditeur des œuvres d'Émile Sioran à la Pléiade, qui a beaucoup travaillé à la connaissance de son œuvre en français. Et on vient d'entendre un texte, un extrait du Précis de décomposition. Alors on a une sorte de programme, c'est pas très fidèle à Sioran d'ailleurs hein, ce matin, Nicolas Cavaillès, mais avant d'explorer l'ennui, je l'annonçais dès le début d'émission, on va d'abord explorer l'autre dimension problématique du temps, à savoir le fait qu'il passe justement et qu'on ne puisse pas le retenir. Peut-être présentez-nous ce qu'est ce Précis de décomposition qui paraît en 1949. Où est et où en est Émile Sioran à cette date-là? Oui, en l'occurrence, c'est notre objet qui nous pousse à avoir effectivement cette structure un peu... pas chaotique, mais on va en reparler, où tout est un peu en même temps. C'est le cas du Précis de décomposition, qui est donc son premier livre en français, rédigé en langue française. Avant cela, Sioran avait écrit 5-6 livres en roumain, publié 5-6 livres en roumain. Et là, on est en 1949 quand paraît le Précis de décomposition, qui est le fruit en fait de plusieurs années d'écriture. Donc il avait commencé vers 1946, donc au sortir de la guerre. Et c'est un livre vraiment très... très violent, très intense, et très, très sombre, peut-être le plus sombre de tous dans le fond. Et en même temps un livre voilà, d'une complexité très particulière en cela qu'il est, il est à la fois un chant d'adieu, peut-être un cri d'adieu de la part du surant roumain. Mmh. Et de tout ce qu'il va laisser derrière lui, qui est encore très présent, ce qui constitue sa formation, dans le fond, sa formation philosophique et son parcours, et en même temps, un cri de naissance de ce qui va être un écrivain, on va dire, exceptionnel en langue française. Et les deux sont encore intimement mêlés avec ce qui est le prémisse, là aussi, d'un des moteurs fondamentaux de son écriture dans l'œuvre française, c'est le penser contre soi. Et donc c'est cet acte fondateur dans le précis de décomposition où Suran va inclure ce procédé d'autocritique dans le fond. Alors pourquoi rejette-t-il la Roumanie ? On a vu hier que dans sa jeunesse, il s'était engagé politiquement dans un mouvement nationaliste roumain qu'il avait contribué à ce qui s'appelle la Garde de Fer. Pourquoi change-t-il d'avis et va même jusqu'à rejeter cette langue et ce pays ? Alors son rejet va bien au-delà des questions politiques et socio-historiques, disons. Pour parler de la Garde de Fer, bon, il s'est quand même assez vite rendu compte que, d'une part, ce mouvement d'extrême droite roumain est à l'instar du mouvement nazi auquel, hélas, Suran a consacré quelques pages favorables, dont il s'est amèrement repenti plus tard. Il a vite compris que ces gens-là étaient quand même des abrutis et qu'ils n'avaient rien à voir avec eux dans le fond, même si Suran lui-même appelait à quelque chose qui pouvait paraître comparable à ce que proposait l'extrême droite, le mouvement de Codreanu dans les années 30, à savoir une transfiguration de la Roumanie, faire de la Roumanie enfin une grande culture, une grande nation à l'instar de la France ou de l'Allemagne. Ce qui était une des obsessions de Suran lui-même, comme de toute sa génération de jeunes intellectuels. Pensez à Ionesco, à Eliade, et tous vivaient une sorte d'humiliation parce que c'était des intellectuels très forts. Il y a eu une génération exceptionnelle en Roumanie dans les années 30 et qui se sentaient un peu à l'étroit dans cette Roumanie qui était, elle, un jeune pays avec une littérature qui démarrait vraiment au 19e siècle. Donc voilà, ils avaient une soif une ambition et une soif de gloire dans le fond. Qui était débordante, qui était excessive évidemment, et Suran là aussi s'en est bien rendu compte dès ses premières années, dès son séjour en France. Et voilà, c'est à tout cela qu'il va tourner le dos précisément avec précis de décomposition, qui s'ouvre notamment par ce texte magnifique et fondateur là encore, qui est la généalogie du fanatisme. Dans lequel on voit c'est un peu l'acte des naissances du Suran sceptique, parce que toute son œuvre française va être un itinéraire, à mon avis, vers le scepticisme, dans le fond. Donc la critique de toutes les croyances, de toutes les fois, de toutes les idées, dans le fond. Et un scepticisme qui ne sera pas forcément une suspension du jugement, mais précisément une reconnaissance et une conscience permanente et douloureuse des excès qui sont le propre de chaque conviction, dans le fond. Scepticisme plus que nihilisme ? Ouais, c'est délicat. C'est délicat. On ne résoudra pas d'ailleurs ce problème-là. Ce qui est intéressant aussi chez Suran, c'est ce qu'on peut appeler une coïncidence des contraires. Son œuvre n'est pas exemple de paradoxes et de choses. Bah, les deux s'opposent pas en l'occurrence. Hein. C'est une question. Est-ce que le scepticisme est un nihilisme ? Je ne sais pas. Vous pouvez les articuler, oui, en effet. Mmh. Après, il y a chez Suran aussi une forme de modestie ou d'humilité en disant que. Et c'est dans ce sens-là qu'il est, à mon avis, profondément sceptique. C'est-à-dire que même dans ses textes les plus nihilistes, vous trouverez des petits paradoxes, des petits détails ou des petites choses qui vont montrer, par exemple, un goût pour la vie, pour certains éléments, pour la musique. Ce qui fait que lui-même reconnaissait ou même affirmait, revendiquait le fait de n'aller au bout d'aucune de ses positions, d'aucune de ses idées. Et il voyait dans ce fait de ne pas aller jusqu'au bout des choses, précisément un gage d'honnêteté philosophique. Ouais. Oui, il le dit souvent, hein, sa manière d'écrire, donc sous forme d'aphorismes et de fragments, était fidèle à ce qu'il voulait dire, qu'il n'aurait pas voulu faire un essai bien léché, je ne sais plus quels sont ces termes exacts, mais en tout cas, il s'en prend à la forme de l'essai pour dire ce qu'il... Quand il écrit de cette manière-là, c'est la manière qu'il a d'être le plus fidèle à son propre rapport au monde et à sa propre pensée, parce qu'il y a une vraie réflexion sur l'écriture. Je reviens un instant au texte qu'on a entendu, l'extrait de Précis des compositions. La dernière phrase était celle-ci. Dans la phrase du temps, les hommes s'insèrent comme des virgules, tandis que pour l'arrêter, tu t'es immobilisé en point. Et on peut y voir ici déjà la victoire de la ponctuation, hein, les virgules d'un côté, le point de l'autre, qui signe ici le passage de relais vers l'écriture au fond. Et c'est sur cette voie-là qu'il avancera désormais. Tout à fait, c'est une très belle phrase que j'aime beaucoup moi aussi et qui à vrai dire peut être lu, peut être entendu de plusieurs manières en effet. Vous pouvez y voir aussi la naissance de l'écrivain français, hein, sur en racontait lui-même qu'en roumain il écrivait au fil de la plume et sous tel que les choses lui venaient, vraiment sous le coup de l'inspiration, et en français il va apprendre à réécrire, à formuler, à faire travailler la forme des choses, et cette phrase-là en est une illustration et une métaphore. Et en même temps, ce qui est intéressant avec cette phrase, qui est plus complexe qu'il n'y paraît aussi, c'est que l'image apparaît chez Bergson, en fait. Oui, sur lequel Sioran a travaillé. Voilà, ce qui peut paraître étonnant de nos jours, mais Sioran a été notamment lecteur de Bergson, rattaché à la philosophie de la vie dans sa jeunesse roumaine. Et là aussi, ça fait partie de ce à quoi il tourne le dos dans les années 40 et en venant en France, et notamment avec une des critiques de Bergson, d'autant plus radicales qu'elles étaient formulées en quelques mots chez Sioran, qu'il vraiment l'évacuait pour un penseur du devenir, mais qui dans le fond n'a rien compris au devenir, puisque le devenir chez Sioran, ce n'est pas du tout ce qui serait chez Bergson. Un mouvement qui appartiendrait à la vie, précisément, à l'épanouissement des choses, à l'élan vital, toute cette rhétorique-là bergsonienne. Chez Sioran, c'est le contraire. Là aussi, on revient à Beckett et à cette sensibilité-là. Le devenir va toujours vers le pire, vers la mort, ou même c'est une petite mort de chaque instant, entre guillemets, on peut dire. Donc, dans cette phrase-là, on a cette double incarnation, cette double dimension, pardon. Et puis ce côté dramatique aussi, hein, le s'immobiliser en point, parce que dans la phrase de Bergson initiale, c'était de comparer le flux de la conscience à une phrase sans fin qui commence de la naissance à la mort. Mmh. Et Sioran, là, s'oppose fermement comme le point qu'il marque au sein de la phrase du temps. Et voilà. Et là aussi, ça ouvre aussi le... Il parle de la lucidité comme un arrêt dans l'incurable, Sioran. Et c'est là encore un des sens qu'on peut donner à ce point dans le temps, et dont on fait l'expérience aussi dans l'ennui, c'est-à-dire un temps qui s'arrête, un temps paradoxal où on échappe à son écoulement pour en sentir plus profondément la réalité. Voilà. Annie et ses deux petits-fils, 24 heures sur 24 dans le même appartement. À tourner comme des lions en cage, au cœur d'une tour de 16 étages. Pour ses habitants, le temps semble encore plus long que pour d'autres. On ne voit plus les voisins, alors que d'habitude on va chez l'un, chez l'autre. Et là, on ne se voit plus, ça manque. C'est long, c'est très très long. Et puis, heureusement que j'ai des enfants, parce que imaginez-vous que j'étais tout seul, qu'est-ce que je ferais? Vous tournez en rond? Oui, quand même. Hein. Quand même, on regarde l'heure. Pour moi, ça va pas trop bien. Hein. Les instants se suivent les uns les autres. Rien ne leur prête l'illusion d'un contenu ou l'apparence d'une signification. Ils se déroulent. Leur cours n'est pas le nôtre. Nous en contemplons l'écoulement, prisonniers d'une perception stupide. Le vide du cœur devant le vide du temps. Deux miroirs reflétant face à face leur absence. Une même image de nullité. Comme sous l'effet d'une idiotie songeuse, tout se nivelle, plus de sommet, plus d'abîme. Où découvrir la poésie des mensonges, l'aiguillon d'une énigme? Celui qui ne connaît point l'ennui se trouve encore à l'enfance du monde, où les âges attendaient de naître. Il demeure fermé à ce temps fatigué qui se survit, qui rit de ses dimensions et succombe au seuil de son propre avenir, entraînant avec lui la matière, élevée subitement à un lyrisme de négation. L'ennui est l'écho en nous du temps qui se déchire, la révélation du vide, le tarissement de ce délire qui soutient ou invente la vie. L'ennui nous révèle une éternité qui n'est pas le dépassement du temps, mais sa ruine. Il est l'infini des âmes pourries faute de superstition. Un absolu plat où rien n'empêche plus les choses de tourner en rond à la recherche de leur propre chute. La vie se crée dans le délire et se défait dans l'ennui. La vie se crée dans le délire et se défait dans l'ennui. C'est le thème de cette émission ce matin sur les chemins de la philosophie sur France Culture. La phrase est d'Émile Cioran, le philosophe roumain Émile Cioran. Et on en parle cette semaine, aujourd'hui, en compagnie de Nicolas Cavaillès. C'est un texte extraordinaire que l'on vient d'entendre, lu par Denis Podalydès. Les textes de Cioran sur l'ennui sont vraiment magnifiques. Et ils sont très riches en analyse au fond. Alors, déjà, il y a un écho supplémentaire à ce texte dans le contexte que nous vivons actuellement. Sans doute, Nicolas Cavaillès, vous avez entendu un reportage sur une personne confinée. Ce temps long du confinement dont on a cessé de parler, dont on a, au sens négatif, cessé de parler, ce temps qui se répète et qui semble ne pas passer, c'est exactement ainsi que Cioran décrit ce qu'il nomme l'ennui, avec cette sensation d'être enfermé dans le temps. Et c'est pas qu'une dimension temporelle, il y a aussi d'être enfermé dans un plat. Il parle d'une vie sans relief, sans montagne, sans rien, c'est une espèce de plat absolu où rien n'empêche plus les choses de tourner en rond à la recherche de leur propre chute. Là, on se sent un peu asphyxié, Nicolas Cavaillès. Oui, tout à fait, c'est effectivement... Ces pages-là prennent un écho très particulier dans ce que nous vivons depuis plus d'un an déjà, hélas, mais... Ouais, c'est une phrase là aussi étonnamment, avec une densité très très très spectaculaire là encore, qui résume tout le parcours de Cioran lui-même entre ses années de délire et ce qui sera sa décomposition, sa déliquescence en France, en français, dans son œuvre française, avec. Il faut bien voir que voilà, Cioran a eu dès sa première expérience de l'ennui, c'est quelque chose qui l'a accompagné toute sa vie et qu'il n'a pas fui paradoxalement, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait cette côté révélation dans l'ennui qui nous montre le fond des choses. Et donc Cioran n'a pas voulu fuir ça. Il a passé dans une grande oisiveté, comme il le dit lui-même. Il était venu en France pour faire une thèse qu'il n'a jamais faite. À côté de ça, il n'a rien fait. Il s'est un peu promené. Il raconte les journées qu'il passait dans les cimetières à ne rien faire, à observer des insectes. Enfin, il y a des textes. Vous trouvez ça dans Fenêtre sur le rien ou Divagation, précisément ces textes que vous avez traduits des années 40, où vous avez des confessions assez étonnantes, ce qui peuvent être drôles ou sinistres. Libre à chacun de les lire comme il veut. Mais c'est aussi cet ennui donc que Cioran lui n'a pas fui. Il va y voir dans le fond, un des moteurs de l'existence. On écoutait cette dame qui disait tout pour éviter l'ennui, y compris vivre avec deux bambins dans la maison. Oui, elle disait heureusement qu'il y a les enfants, comme si les enfants étaient une sorte de divertissement salutaire. Voilà, c'est vrai que ça occupe, mais voilà, Cioran va précisément parler de ça, que les humains font tout pour fuir l'ennui, dans le fond. C'est très pascalien, ça, comme position. Le philosophe Blaise Pascal ne dit pas autre chose avec sa pensée du divertissement. Tout à fait, tout à fait. Et Cioran a des choses assez crues, assez crues là-dessus. Donc l'amour aussi, c'est une manière de passer le temps. Il parle de Napoléon, il cite des phrases de Napoléon disant son ennui et que dans le fond, il a voulu conquérir le monde parce qu'il s'ennuyait. Même le Démurge, dans le fond, dans le texte de Cioran sur Joseph de Maistre, qui est un de ses plus grands textes, un des plus brillants peut-être. Cioran parle de ce qu'il imagine le paradis comme dans le fond un endroit où on s'ennuyait tellement qu'il a fallu introduire le mal pour s'en sortir. Donc une éternité insupportable elle aussi. Et voilà, il y a aussi un autre très beau texte de Cioran qui est les dimanches de la vie dans lequel il il part précisément de l'hypothèse d'un dimanche sans fin, d'un temps qui serait comme un éternel dimanche après-midi, c'est-à-dire où on s'ennuierait ferme et surtout où les humains n'auraient plus à travailler. Et là, pour eux, ce serait la catastrophe, parce que là aussi, le travail, c'est une des manières de fuir cette réalité du temps qui passe ou qui ne passe pas, cette inéluctable qui est le nôtre. Donc, voilà, mais les humains pris, enfermés dans un dimanche après-midi sans fin, ce serait la fin de l'humanité, une apocalypse de déliquescence et d'amollissement tel quel. Alors, tout cela avec l'idée, pour Sioran, que dans le fond, ce sont les désœuvrés, ceux qui ne font rien, ceux qui refusent de travailler, comme Sioran l'a fait, ce sont eux qui vont atteindre une lucidité supérieure. Précisément, il dit les désœuvrés saisissent plus de choses, sont plus profonds que les affairés, ce qui me fait penser moi aussi à Pétrarque, pardon, qui est un très, très beau texte sur le temps du solitaire et le temps de l'affairé. L'affairé qui veut remplir ses journées, qui veut pas perdre une minute, qui veut courir partout, tout faire, ne jamais s'ennuyer une seule seconde, et qui dans le fond passe complètement à côté de son existence. Et au contraire, le solitaire, Pétrarque, qui va voilà organiser son temps selon sa philosophie, selon sa quête, selon son itinéraire spirituel personnel, sans rien faire apparemment de l'extérieur, mais dans le fond en étant bien plus en plus, voilà, bien plus au cœur des choses que l'affairé. Si les après-midi dominicales étaient prolongées pendant des mois, où aboutirait l'humanité, émancipée de la sueur, libre du poids de la première malédiction? L'expérience en vaudrait la peine. Il est plus que probable que le crime deviendrait l'unique divertissement, que la débauche paraîtrait candeur, le hurlement, mélodie, et le ricanement, tendresse. La sensation de l'immensité du temps ferait de chaque seconde un intolérable supplice, un cadre d'exécution capitale. Dans les cœurs imbus de poésie s'installerait un cannibalisme blasé et une tristesse d'hyène. Les bouchers et les bourreaux s'étendraient de langueur. Les églises et les bordels éclateraient de soupirs. L'univers transformé en après-midi de dimanche. C'est la définition de l'ennui et la fin de l'univers. Enlever la malédiction suspendue au-dessus de l'histoire, elle s'annule aussitôt, de même que l'existence dans la vacance absolue étale sa fiction. Le labeur construit dans le rien forge et consolide des mythes. Enivrement élémentaire, il excite et entretient la croyance à la réalité. Mais la contemplation de la pure existence, contemplation indépendante des gestes et des objets, n'assimile que ce qui n'est pas. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. L'univers transformé en après-midi de dimanche, c'est la définition de l'ennui, écrit Sioran Nicolas Cavaillès. Et pourtant, on pourrait tout à fait s'imaginer que si le dimanche après-midi, on écoute Bach, comme on est en train de le faire et comme Sioran adorait le faire, on n'est plus trop dans l'ennui. Dans quelle mesure est-ce qu'il ne force pas un peu trop le trait ici comme une posture métaphysique qui sert son propos, alors que lui-même, par ailleurs, savait très bien ne pas sombrer dans cet ennui? Oui et non. C'est effectivement, il y a la grande exception à tout ce nihilisme, à tout cet absurde chez Sioran, c'est la musique. Et vous citez Bach, évidemment, c'est une des grandes passions de Sioran, effectivement, qui est à la base de bien des paradoxes et des retournements, effectivement. Ouais. Et vous dites oui et non quand je me fais l'avocat du diable et je dis dans quelle mesure est-ce une posture, en fait. Voilà, pour vous, c'est vraiment les deux. C'est que d'un côté, effectivement, écrire ce texte sublime présuppose d'en avoir fait l'expérience de cet ennui, mais de l'autre, peut-être force-t-il le trait dans la mesure où, alors, est-ce une question de caractère? Il sait très bien aussi connaître, enfin, il a connu dans la vie des moments d'extase, ne serait-ce que musical, qui conjure cet ennui. Oui, de toute façon, on est, avec Suran, on est très souvent dans l'excessif ou dans le, il a tout vécu avec une intensité décuplée, peut-être, par rapport au simple mortel. Que ce soit son ennui ou sa passion de la musique. Après, c'est vrai que, là aussi, on peut dire, pour nuancer les choses un peu dans le cas de Suran, c'est quelqu'un qui s'est sans doute beaucoup ennuyé, mais qui en même temps a adoré la musique, a énormément lu, toute sa vie durant, a continué à chercher, à lire des choses dans toutes les directions de l'esprit humain. Tout ça pour trouver des réponses quand même avec... quand même cette intime conviction dans le fond qu'il n'y avait pas de solution, pas de réponse, mais il a quand même cherché partout, soit des confirmations ou des petites choses à quoi se raccrocher quand même au sein de l'aventure humaine, quoi qu'il en pense ça. Donc oui, on a ce paradoxe-là. Ouais. Il y a une chose chez Suran qu'on ne peut pas ne pas évoquer, on a parlé de sa crise d'ennui. À 5 ans, comme d'autres font des crises d'asthme, à l'âge de 20 ans, je crois, il s'arrête de dormir. Suran devient insomniaque et de ses insomnies, il va en tirer, là encore, des ressources très fécondes pour son écriture. J'ai compris une chose, c'est que c'est les nuits blanches qui sont d'une importance capitale. Parce que l'extraordinaire phénomène de l'insomnie, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité. Le sommeil interrompt un processus. Mais pour l'insomniaque, il est lucide au milieu de la nuit, à n'importe quel moment. Il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. C'est une sorte de temps interminable. C'est un autre monde, un autre temps, puisqu'il n'y a pas la vie supportable à cause de la discontinuité. Au fond, pourquoi on dort? On dort non pas tellement pour se reposer, mais pour oublier. Le type qui se lève le matin après un sommeil, il a l'illusion de commencer quelque chose. Mais si vous veillez toute la nuit, vous ne commencez à rien. Alors, à 8h du matin, vous êtes dans le même état qu'à 8h du soir, n'est-ce pas, la veille. C'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui ne passe pas. Et ça change votre vie. Et c'est pour ça que je considère vraiment que la plus grande expérience qu'on puisse faire dans la vie, c'est ça, c'est les nuits blanches. Je suis absolument persuadé que si on empêchait l'humanité de dormir, il y aurait des massacres sans précédent, que l'histoire se finirait. Alors, ce phénomène m'a ouvert les yeux pour toujours, pour ainsi dire. Et voilà un autre phénomène du temps qui ne passe pas, Nicolas Cavaillès, c'est l'insomnie. Oui, tout à fait. L'expérience fondamentale, là encore, on parlait de sa première expérience de l'ennui à 5 ans, mais l'insomnie, ça a été là encore un véritable traumatisme. C'est quand même une maladie, quelque chose de grave, de très, très, très difficile, très, très dur à vivre. Et Suran a connu ça dès l'adolescence et jusqu'à la fin de sa vie, là encore. Et effectivement, c'est le propre de l'insomnie, c'est d'être confronté au passage du temps et à l'impossibilité de ne rien en faire. On est dans des jours sans échappatoire. Suran disait qu'on ne peut même plus lire la nuit. Donc c'est où il y voyait même une forme de tricherie, mais là, c'est effectivement, dans cette expérience-là, là encore, on peut parler d'épreuve et de révélation, là encore, puisque Suran va toucher à l'intime des choses. C'est même, si on prend un des autres temps forts des autres temps marquants de son itinéraire spirituel, celui de ce qu'on peut appeler, ce que j'appellerais les révélations de la naissance, qui là, arrive dans les années 60, donc un peu plus tard. Après avoir beaucoup, beaucoup réfléchi à la mort sur une nuit, en l'occurrence, la révélation que le problème fondamental, dans le fond, ce n'est pas forcément la mort, mais au contraire, la naissance, et que ça ouvre cette ère du trop tard, et que le traumatisme est antérieur à nous, c'est ce qui nous définit, ce terme qui nous limite, n'est pas forcément l'horizon de la mort, mais précisément le terme apko, disons, ce traumatisme initial qu'est la naissance, et il nous raconte comment il a cette révélation-là, et ça se passe là encore la nuit. Il est en vacances, en l'occurrence sur l'île d'Ibiza, en Espagne, à Talamanca. Il a parlé plus tard de la nuit de Talamanca qui a marqué son existence là encore, et ça se passe à 3h du matin. Suran ne peut pas dormir, il commence à compter les secondes, à compter les minutes, et c'est de cette expérience du temps que va naître la, c'est la, la conscience que de cette insoluble constituée par notre naissance. Donc là encore, vraiment être conscient, c'est être conscient du temps. Et c'est être malheureux. Hein. Plus on y réfléchit, plus on y est malheureux. Oui, l'enfer, c'est d'avoir conscience du temps, c'est ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'il définissait dans un des textes qu'on a entendu aujourd'hui que finalement, l'enfance, c'est ça, c'est ne pas avoir cette conscience du temps, d'où l'insouciance de l'enfant. Mais vous racontez cet épisode à Ibiza, et lui-même dit qu'il pense d'ailleurs qu'il doit en finir et qu'il ne fait pas. Cette prise de conscience, c'est aussi celle de l'inutilité de mettre fin à sa vie. Oui, oui, ça ouvre un nouveau dans l'insoluble, hein, c'est vraiment qu'on se situe toujours trop tard. Donc de toute façon, il aurait fallu ne pas être, ne pas naître. Et une fois qu'on est arrivé ici-bas, tout est fichu, tout est foutu, comme il disait. Oui, mais la possibilité du suicide suffit à lui redonner le sentiment qu'il est libre en cette vie, au fond, puisqu'il a la liberté à tout moment de mettre fin à ses jours. Il décide de ne pas le faire, mais la prise de conscience de cette décision est pour lui l'occasion de la révélation d'une forme de liberté qu'il habite. Oui, tout à fait. Oui, c'est un paradoxe. Le suicide est une des grandes obsessions de sa vie. Et on peut imaginer quand même qu'il l'a envisagé sérieusement à plusieurs moments de son existence, mais il ne l'a jamais fait. Il est mort à 84 ans de maladie. Alzheimer, c'est ça ? Alzheimer, voilà, ouais. De vieillesse après une longue vie, mine de rien. Et vous voyez, dans son rapport au suicide, effectivement, il y a cette idée, ce paradoxe-là, hein, que le fait de pouvoir se suicider à tout moment peut aider à endurer les problèmes, les souffrances du quotidien, puisqu'on dit au pire, je peux toujours partir à chaque instant. Voilà. Il y a un côté libérateur qu'on retrouve là chez Nietzsche, chez certains personnages de Dostoïevski, là encore, hein, c'est le suicide qui devient une force dans le fond. Une arme contre l'existence, si on pense à Kirillov chez Dostoïevski. Que Cioran adorait, hein, il a lu Dostoïevski plusieurs fois. Oui, voilà, c'est un des Dostoïevski et Shakespeare, c'est les grandes lectures de sa vie. Et qui a pu nourrir aussi une certaine fascination aussi pour le suicide, pour les suicides romantiques. Là, on est plus dans la jeunesse de Cioran et une fascination générale pour les suicides. Hein, il disait, j'estime toujours plus un concierge qui se pend qu'un grand philosophe qui se laisse aller à continuer à vivre. Donc on a cette fascination-là, même si Cioran, lui, n'a jamais franchi le pas. Mais il ne manque pas d'humour à ce sujet. On trouve dans les syllogismes de l'amertume la phrase suivante. « La mention des déboires administratifs parmi les motifs justifiant le suicide me paraît la chose la plus profonde qu'ait dit Hamlet. » On parlerait aujourd'hui de phobie administrative, hein, c'est le terme qu'on emploie. Alors ici, Hamlet, je ne sais pas à quel dessin, mais ça montre qu'il tourne autour de ce motif-là et parfois même sous la forme de l'humour. Oui, tout à fait. Alors, vous citez Syllogisme de l'amertume, qui est un livre qui date juste après le Précis de décomposition en 1952 et qui est effectivement un livre riche en petites provocations dans ce genre-là, mais avec des choses assez vraies, hein, dans le fond, là aussi. Quelque chose qu'on a tous vécu, hélas. Et Cioran, voilà, qui était d'un naturel impatient, hein, faut l'imaginer aussi quelqu'un de très nerveux et très, très, voilà, impatient et très, très excessif dans son ressenti des choses, si vous voulez. Ne pouvait pas tolérer ce genre de... Quand on voit tout ce qu'on peut faire dans l'existence, passer son temps à remplir des papiers, c'est quand même désespérant. Difficile de lui donner tort. Alors vous citiez, il y a un instant, la différence entre la concierge et le philosophe. Eh bien, figurez-vous que dans une archive de 1973, Cioran reprend cette comparaison et il dit qu'il préfère une concierge inquiète, enfin qu'elle est plus intéressante qu'un philosophe infatué. Et c'est l'occasion pour lui d'insister sur l'importance d'être quelqu'un. Écoutez. Je crois qu'il faut juger les gens dans l'absolu. Et je n'ai jamais apprécié les gens en fonction de ce qu'ils font, mais toujours en fonction de ce qu'ils sont. C'est comme être et, non pas ce qu'il fait. C'est pour ça que pour moi, quand on dit que quelqu'un s'est raté, il n'a rien fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne trouve pas qu'il faille se réaliser. mais il faut quand même être quelqu'un. Et je dirais même plus loin. Je crois que sur le plan métaphysique, je dirais, une conversation avec quelqu'un qui a des angoisses personnelles, n'est-ce pas ? Disons, une concierge inquiète, elle est plus intéressante qu'un philosophe satisfait de lui-même, n'est-ce pas ? Infatué, n'est-ce pas ? C'est vraiment... j'ai énormément appris dans la vie au contact de toutes sortes d'êtres. Et en ce sens, je peux dire que je n'ai pas énormément fréquenté les milieux intellectuels. Ni en Roumanie, ni ici, ni nulle part. J'ai énormément appris d'un tas de gens en dehors de ce circuit intellectuel. Et ça, c'est capital. Je vis dans l'attente de l'idée. Je la pressens, la cerne, m'en saisis et ne puis la formuler. Elle m'échappe. Elle ne m'appartient pas encore. L'aurais-je conçue dans mon absence ? Et comment, d'imminente et confuse, la rendre présente et lumineuse dans l'agonie intelligible de l'expression ? Quel état dois-je espérer pour qu'elle éclose et dépérisse ? Antiphilosophe, j'aborde toute idée indifférente. Je ne suis pas toujours triste, donc je ne pense pas toujours. Combien de nuits blanches cache votre passé nocturne ? C'est ainsi que nous devrions aborder tout penseur. Celui qui pense quand il veut n'a rien à nous dire. Au-dessus, ou plutôt à côté, de sa pensée, il n'en est pas responsable. Il n'y est guère engagé, ne gagne ni ne perd à se risquer dans un combat où lui-même n'est pas son propre ennemi. Dans l'indifférence affective, les idées se dessinent. Cependant, aucune ne peut prendre forme. C'est à la tristesse d'offrir un climat à leur éclosion. Il leur faut une certaine tonalité, une certaine couleur pour vibrer et s'illuminer. Être longtemps stérile, c'est les guetter, les désirer sans pouvoir les compromettre dans une formule. Les saisons de l'esprit sont conditionnées par un rythme organique. Il ne dépend pas de moi d'être naïf ou cynique. Mes vérités sont les sophismes de mon enthousiasme ou de ma tristesse. J'existe, je sens et je pense au gré de l'instant. Et malgré moi, le temps me constitue. Je m'y oppose en vain et je suis. Mon présent non souhaité se déroule, me déroule. Ne pouvant le commander, je le commente. Esclave de mes pensées, je joue avec elles, comme un bouffon de la fatalité. Quel texte, là encore, un extrait du précis de décomposition qui s'appelle « Le penseur d'occasion », Suran se présente comme écrivain. Et alors, dans l'archive qu'on a entendu juste avant, on aurait pu se demander s'il n'y avait pas s'il ne pointait pas ici une forme d'anti-intellectualisme, hein, lorsqu'il disait « je préfère largement la compagnie d'une concierge inquiète que celle d'un philosophe infatué, disant que la philosophie ne lui avait rien appris ». Dans le texte, il se présente comme un anti-philosophe. C'est une affirmation très forte, Nicolas Cavaillès. Oui, tout à fait, qui est plein de sens, là encore. Dans le fond, c'est tout à votre honneur d'organiser une semaine sur Suran dans le cadre de votre émission de philosophie, mais c'est vrai que Suran, à mon avis, n'est pas un philosophe, ou alors c'est vraiment anti-philosophe, ou c'est dans l'esprit de Pascal, là encore, voilà. qui disait « se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher ». Exactement. Et voilà, c'est ce qu'on a ici aussi, hein, c'est toujours un... quelque chose qui va jusqu'au mépris, même pour les philosophes de métier, les philosophes de travail, ceux qui philosophent à heure fixe. Peut-être l'archétype serait Kant, hein, dont on sait qu'il se levait toujours à la même heure, il s'asseyait à son bureau à 6h du matin, il s'arrêtait à 12h45 pile, même quoi qu'il arrive, toute sa vie durant. Et ça, pour Suran, c'est une insulte à la philosophie. Mais quelle œuvre en même temps il nous a léguée, Kant ? Peut-être, pour le coup, là, il a produit quelque chose. Le reproche s'adresse à ceux pourvus d'intérêt, mais... qui font ça pour rien. On ne peut pas dire ça de Kant. Bien sûr, bien sûr. Mais Suran, cette provocation-là, qui est dans le fond, il est beaucoup plus proche de quelqu'un que... Je parlais des sceptiques ou des Marc Aurèle, des gens, tous ceux qui sont dans l'écriture du fragment. La forme brève, la brevitas, c'est fondamental chez Suran. Là aussi, ça exprime un autre rapport au temps, dans le fond. Une manière d'accepter son inconstance fondamentale et de partir de là, hein, parce que vraiment, pour Suran, il faut... Une vraie philosophie, c'est celle dont le cogito serait la souffrance de l'individu. C'est la base de l'existentialisme de Kierkegaard, le vrai existentialisme, dans le fond. Donc partir de la souffrance, partir de ma pensée dans toutes ces fluctuations, dans toutes ces incohérences aussi, ces paradoxes. Et voilà ce qu'il a appelé, lui, le papillonnage aussi, dans les manuscrits du Précis de décomposition. Il a un texte qui s'appelle Papillonnage, comme ça, qui est un peu dans le même esprit que le Penseur d'occasion, où il dit qu'il va d'idée en idée, que c'est une insulte à la philosophie, là encore, que d'approfondir les choses, que de travailler à faire des gros essais, des gros livres. Il faut juste s'efforcer de trouver quelques mots à murmurer à l'oreille d'un ivrogne ou d'un agonisant. C'est une autre citation de l'inconvénient d'être né. Et voilà, donc là, un philosophe papillon, un philosophe inconstant, mais voilà, qui sera dans la vérité, dans le vrai, dans le réel, par opposition à tous ces philosophes qu'il appelle des taupes, qui vivent dans les souterrains de l'intellect, qui travaillent leurs problèmes, qui exploitent les problèmes pour faire carrière avec ça, ou qui philosophent à heure fixe, par exemple de 10h à 10h50. C'est comme vous dire qu'il est comme ici tous les matins. Celui qui pense quand il veut, celui qui pense quand il veut n'a rien à nous dire. Au fond, c'est ça le problème. C'est celui qui imagine que c'est en philosophant à heure fixe qu'il aura à dire quelque chose. Je crois que on peut préciser les choses. C'est pas simplement les heures fixes qui le gênent. Je dis pas ça simplement pour défendre cette émission. C'est le fait de parler quand on n'a rien à dire. Et là, pour le coup, il s'adresse à énormément de personnes. Voilà. Voilà, on voit très bien. Il y a toujours cette obsession de ce qu'il appelait l'essentiel, hein, chez Cioran. Et pour lui, c'est nous d'abord résoudre les tourments personnels, hein, s'en sortir. C'est tout le reste, tous les systèmes, c'est balayé par le vent. Et il le dit, il y a un clin d'œil ici à la phrase de Descartes. Il dit « Je ne suis pas toujours triste, donc je ne pense pas toujours ». Substituant ici au « je pense », le « je suis triste » dont il fera le moteur de sa pensée. Tout à fait, tout à fait. C'est donc la tristesse qui va nous accompagner jusqu'au bout de cette émission, Nicolas Cavaillès. On va quand même terminer avec une note musicale, évidemment, comme chaque matin. Vous avez le choix, d'ailleurs. Est-ce que vous préférez les insomnies de Barbara ou la nuit blanche de Petula Clark? Je vais choisir Barbara, s'il vous plaît. Les insomnies de Barbara, puisque d'ailleurs il en parlait encore dans le texte insurant. Combien de nuits blanches cache votre passé nocturne? C'est ainsi que nous devrions aborder tout penseur. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment couchés dans leur lit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit, pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple dans vos prairies, labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit. Sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits, j'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies. Et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis, le paradis? Ce serait pour moi de m'endormir la nuit. Et je rêve, que je rêve, qu'on a tué mes insomnies, et que pâle, en robe blanche, on les a couchés dans un lit. À tant rêver que j'en rêve, les revoilà mes insomnies. Je rôde comme les chats, je glisse comme les souris, et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pour autant, c'est pareillement se coucher les paupières closes. Une longue. Merci beaucoup, Nicolas Cavaillès. C'est moi qui vous remercie. Grand merci de nous avoir parlé de Cioran ce matin. On mettra votre bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et puis, donc, vous pouvez lire, chers auditeurs, Émile Cioran en Pléiade. C'est grâce à vous, Nicolas Cavaillès, que ce travail existe. Vous pouvez continuer à écouter Barbara et ses insomnies fidèles à Cioran, mais surtout rester à l'écoute pour la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes contes philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. L'universalisme est-il en crise? Eh bien oui, c'est le grand soupçon depuis une vingtaine d'années au moins. La France, pays des droits de l'homme et de l'égalité de tous devant la loi, serait le théâtre d'une guerre contre l'universel. La menace était désignée autrefois sous le nom de communautarisme, terme qui désignait l'existence de grumeaux dans la nation, philosophes et législateurs savant pertinemment de quelle blanche farine ils étaient faits, au fond, la farine blanche de l'universel le plus pur, et s'agaçant de ce qu'ils refusent de se dissoudre dans celui-ci, ils s'accrochaient plutôt entre eux, se révulsaient vers des cosmos intérieurs inutiles, au risque de gâcher la pâte. Ce territoire perdu de la farine nous était insupportable. La France était là physiquement en danger, physiquement au sens de la physique des fluides. On n'avait pas vu ça depuis les guerres vendéennes peut-être, sauf que l'ennemi campait cette fois directement de l'autre côté du périph. Les choses se seraient encore dégradées depuis avec l'apparition jusqu'au cœur de nos facs, jusqu'au cœur de nos villes de réunions en non-mixité qui sont devenues les dernières et plus actives lignes de front des défenseurs de l'universalisme. Je me souviens d'ailleurs d'avoir vu cet objet, la réunion non-mixte, apparaître. C'était place de la République pendant le mouvement Nuit Debout et j'avais accueilli la chose avec une certaine ironie. Il y avait là un groupe de femmes assises en rond et j'avais pudiquement détourné le regard, laissant ma fille, elle, regarder. Elle y avait le droit. J'étais alors, autant qu'ils m'en souviennent, plutôt agnostique sur ces questions, ni bienveillant ni hostile, tout au plus cela m'amusait. Ah oui, ça vous amusait, comment ça ? Eh bien c'était, et je le dis comme si c'était il y a 1000 ans, avant les mouvements MeToo et Black Lives Matter. Et cela m'amusait parce que je me sentais radicalement non concerné, je n'étais pas un oppresseur, et j'aurais bien pu rentrer dans le cercle pour expliquer à quel point le sexisme et le racisme moi aussi me dégoûtaient, et cela m'amusait qu'on m'interdise de me livrer à une si innocente intervention. J'avais l'impression d'avoir devant moi des enfants qui jouaient à faire semblant que le patriarcat, le raciste institutionnel existait, alors qu'ils m'auraient accepté parmi eux, ils auraient bien vu que je n'étais pas comme ça et que le grand méchant loup n'existait pas. Évidemment, j'ai appris depuis tout ce que cette attitude avait de problématique. C'était, pour le dire gentiment, l'universalisme envisagé comme une pensée magique. Regardons-nous bien en face et nous verrons qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir, mais des humains universaux et génériques. L'étrangeté était que je ne me sentais jamais plus universel qu'en présence de femmes ou de personnes racisées. Le français en vacances, OSS 117, en mission. Et quelle mission ? Convaincre le monde que nous étions le bon universel. Le destin de la France, notre idiosyncrasie, c'était comme ça. C'est plus fort que nous. Le dialecte que nous parlions touchait directement le cœur des hommes. Voltaire, Victor Hugo, tout ça. Laissez-moi rentrer dans n'importe quel grumeau en nom excité et je vous convertirai ça avec les petits fouets de mes arguments rationnels en bonne patte républicaine. Et qu'on ne vienne pas me dire que ce projet ressemble à celui de la colonisation, la preuve en étant qu'avec tous ces groupes non mixtes, c'est moi qu'on a fini par mettre en position d'indigène. Et c'est ainsi qu'en France, en 2021, le Rassemblement National s'est retrouvé à donner des leçons d'antiracisme à l'UNEF, sous les vivats de la moitié de la gauche. Et ce qui permet ce genre d'alliance hallucinante, c'est précisément la défense de l'universalisme. Qui, si je vous suis bien, serait donc en crise ? À moins qu'au contraire, il se porte mieux que bien, on lui doit l'apparition d'un front républicain vaste à faire pâlir d'envie les vieux théoriciens de l'Union des droites. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Laurence Malonda qui réalisent pour vous cette semaine à la lecture des textes. C'était Denis Podalydès, à la prise de son, évidemment, vous l'avez reconnu, Jean-Frédéric. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour d'Émile Cioran. Demain, on sera en compagnie de Simona Modreanu et on se demandera ce que c'est que de vivre dans un monde raté. Et oui, peut-être un démiurge a-t-il construit le monde de manière à ce que celui-ci ne fonctionne pas. Bah, on explorera cette hypothèse demain à 10h donc, jusqu'à 10h50. On philosophe à heure fixe ici, n'en déplaise à Émile Cioran. D'ici là, vous pouvez également réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast, toutes les émissions d'ailleurs de tout le groupe de Radio France. Et vous verrez, vous pourrez garder les émissions aussi longtemps que vous le souhaitez et les écouter où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain donc, pour la suite d'Émile Cioran, désespérément. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.